Bonjour francophones, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. This here is an intermediate lesson, and today we're going to talk about problems. Because you can learn, for example, Amaury, how to make a hotel reservation or something. Mais, une fois qu'on a fait la réservation... What do you do when something goes wrong? Il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Right, that's usually when, I don't know, for me anyways, I would always find, oh, I wish I could speak French better right now, because I have a problem, and I am having trouble resolving it in the language, right? C'est vrai, c'est pas facile. Pourtant, ici, on est dans un cadre magnifique. On est dans un hôtel à Paris. Yes. Cette personne a un problème avec sa réservation. So let's listen to the dialogue and find out how they do it. D'accord. Je peux vous aider, madame? J'ai la chambre 38 et je ne suis pas du tout satisfaite. Quel est le problème? D'abord, ma chambre donne sur la cour et je voulais une vue sur le Sacré-Cœur. Ensuite, il devait y avoir un balcon, mais ce n'est pas le cas. Je vais vérifier votre réservation. Vous souvenez-vous quand vous l'avez faite? Jeudi dernier. Je vois. Il y a eu une erreur. Malheureusement, l'hôtel est complet pour le moment. Il n'y a pas d'autre chambre disponible à part la suite. Mais il faudrait payer un supplément de 300 euros par nuit. Je refuse de payer un tel prix alors que c'est de votre faute. Je voudrais parler à votre supérieur. Veuillez patienter, je vais le chercher. So first we heard that comment, je peux vous aider madame. Voilà, on a cette façon de dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? And she's like, yeah, you can help me, here's my problem. Parce qu'elle a un problème avec la chambre 38. Elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas du tout satisfaite, it's bad. Ouais, pire. So, quel est le problème? Alors, le problème est qu'elle n'a pas la chambre qu'elle a réservée. She explains why. D'abord, what? Ma chambre donne sur la cour. So, the expression that we use when we want to say that your room or your window is facing something. C'est le verbe donner avec sur. So, you say donner sur something. Oui. It gives on something, you say. So, cette chambre donne sur la rue, for example. Ou la chambre pourrait donner sur l'église. Okay, but sa chambre donne sur la cour, the courtyard. Oui. And what's wrong with that? Et elle voulait une vue sur le Sacré-Cœur. L'église à Montmartre à Paris. Oui, c'est un bâtiment magnifique. Right, so if she requested cette vue, oui. Then I could see why she'd be mad. So when we want to say a view on something, in French we also have to use that same preposition sur, right? Voilà, donc une vue sur, ici le Sacré-Cœur. Okay, so she's not happy with the view. Et ensuite, and second of all, il devait y avoir un balcon. Mais ce n'est pas le cas. Le balcon a disparu. Yes. So, il devait y avoir un balcon. It was supposed to, it should have. Il devait. Il devait avoir un balcon. Where? Dans la chambre. So, il devait y avoir. Ouais. The why here is in the room. Exactement. Means there. So, il devait y avoir un balcon, mais ce n'est pas le cas. À mon avis, elle avait payé plus cher. For the, all these great things. Right. Pour le balcon, la vue sur... Le Sacré-Cœur. Yeah. She's probably dreaming about this trip for a while. Like how great it was going to be to see all these things at her window. And then she comes and elle a une chambre qui donne sur la cour. Ouais. Alors, parfois à Paris, c'est toute petite cour. Yeah. Et je te promets, Rika, il n'y a pas de vue. Yeah, normally not. Donc, on va vérifier la réservation. The word vérifier, obviously, it's like the English word. But that's what you say when you want to say check. I'm going to check it. Je vais vérifier ça. On utilise le verbe vérifier, ouais. And then he says something we want to look at. Vous souvenez-vous? Quand vous l'avez faite. Quand vous l'avez faite. Why isn't it quand vous l'avez fait? Parce qu'il parle de la réservation. And réservation is feminine. Voilà. So you have to say quand vous l'avez faite. C'est ça. Normally the verb doesn't agree with the direct object, but it does when it's in the past, when we use the passé composé. Oui. So it sounds a little technical, let's just give some examples. So j'ai fait une réservation, je l'ai faite. Exactement. J'ai fait un devoir, je l'ai fait. Parce que le devoir est masculin. Okay, so give us another example. J'ai pris une pomme. Okay. Je l'ai prise. Par contre, j'ai pris un chocolat. Je l'ai pris. Okay. So, quand est-ce qu'elle l'avait faite? Jeudi dernier. Ah, je vois. Je vois qu'il y a eu une erreur. Okay, let's talk about this, why we use the passé composé here. So, il y avait beaucoup de people, but il y a eu une erreur. Parce qu'à un moment précis, pendant la réservation, il y a eu une erreur at this moment. Exactement. And malheureusement, l'hôtel est complet pour le moment. So there's no rooms, it's complet. Well, il n'y a pas d'autres chambres disponibles. À part la suite. Right, the expensive ones available, like always. Toujours comme ça. La suite est toujours disponible. So she says, à part la suite. Everybody likes that, à part moi. Oui. Or... Tout le monde est venu à mon anniversaire, à part ma copine. Ah, I guess you better dump her. C'est fait. So, that sounds like a good deal, because il y a eu une erreur. She's gonna get la suite. Oui, mais attends. OK. Il y a un mais. Oh, right, there's always a mais. What's the mais? Mais il faudrait payer un supplément. Ici, on emploie le conditionnel. Il faudrait. Yeah. Parce qu'il l'annonce de manière polie. OK, so it's more polite to use the conditional. To soften the blow. Il faudrait payer un supplément de... Okay, hold on. So that means an additional. When you want to say an additional number, un supplément de... How much? 300 euros par nuit. What a total rip-off. And there was made the error, right? Un supplément n'est déjà pas un bon signe. Mais là, il fait très mal, le supplément. Okay, so now I'm in this situation. I made the hotel reservation. They're the ones that screwed up. They're telling me I have to pay un supplément de 300 euros. Oui, qui est peut-être le prix de la chambre déjà. Still, but... So what do I say in French? Listen. Si vous n'écoutiez pas notre leçon, vous diriez d'accord. Right. But since you're listening to this lesson, you know how to keep the argument going. Voilà, maintenant vous dites je refuse de payer un tel prix. Refusez de. I will not do it. Oui. Je refuse de payer un tel prix. Such an outrageous price. Un tel prix. Alors que c'est de votre faute. Yeah, it's not mine. Elle a raison, à mon avis. I think she's right too. And so she's, you know, not going to play this game anymore. So what does she say? Je voudrais parler à votre supérieur. And then they say, veuillez patienter. Like you'll hear all the time, veuillez patienter. The person you are calling is is busy. Why? Je vais le chercher. I'm going to go get that person. Je vais le chercher. Ouais. J'espère qu'ils vont pouvoir s'arranger. Yeah, maybe it will. Well, if anything, she held up her own in the French side. Exactement. She did her best. Réécoutons-les dans cette conversation. Je peux vous aider, madame? J'ai la chambre 38 et je ne suis pas du tout satisfaite. Quel est le problème? D'abord, ma chambre donne sur la cour et je voulais une vue sur le Sacré-Cœur. Ensuite, il devait y avoir un balcon, mais ce n'est pas le cas. Je vais vérifier votre réservation. Vous souvenez-vous quand vous l'avez faite? Jeudi dernier. Je vois. Il y a eu une erreur. Malheureusement, l'hôtel est complet pour le moment. Il n'y a pas d'autre chambre disponible à part la suite, mais il faudrait payer un supplément de 300 euros par nuit. Je refuse de payer un tel prix alors que c'est de votre faute. Je voudrais parler à votre supérieur. Veuillez patienter, je vais le chercher. Now, listen, if this were in America, I would expect some serious compensation. When they make the error, they're going to make sure that I'm happy because so I go tell my friends to stay at this hotel and I come back next time. Is that what's going to happen in France? Ça dépend des hôtels, en fait. OK. Ouais. On va dire que dans certains hôtels, ils donneraient aussi une compensation. OK. Mais certains hôtels demanderaient aux clients d'être plus compréhensifs et dire, excusez-moi, il y a une erreur, mais l'hôtel est complet. Yeah, they would just expect the customer to be understanding and... Ouais. OK. They'd probably give something, like, if they can't give you a room. Ah, ils vont peut-être donner un petit déjeuner. Right. Faut espérer quelque chose, quand même. Ou peut-être une nuit d'hôtel pour un autre jour. OK, so it probably depends on what kind of a hotel, especially if it's a chain or something. Tout à fait. You're more likely going to get some kind of... Ouais. OK, well, if you have any questions, come to frenchpod.com. You'll find all kinds of extra study tools and audio files and all kinds of things, so come check it out. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut.